rassemble un but qui pour toi aujourd'hui. David Ferron est arrivé en studio. Salut David. Ben bonjour, comment allez-vous? Ben ça va très bien toi, t'as de l'air en pleine forme ce matin. Oui, sérieusement, je déborde de vitamine C, Tropicana, tasse-toi parce que tu vas exploser de jus d'orange. Oh mon Dieu, ça va être formidable. Okay. Épique. Wow, voici la langue dans ton oreille. Bon. Mais qui est cette voix sensuelle qu'on a toujours dans la tête? Ça manque de chat! Yeah! Ça revient. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes! La langue dans ton oreille. Yeah! Il y a rien. J'attendais le chat. En passant, la voix qui dit la langue dans ton oreille, c'est l'invité qu'on a aujourd'hui en studio. Oui, on l'applaudit très fort. Yeah! Ça sonne pas pantoute qu'on applaudit en studio, mais bon. Non, c'est vrai, faut mettre les mains devant le micro. T'as l'air de manchot plus que d'autres choses. J'ai jamais eu de talent pour applaudir, c'est affreux. Comment t'as applaudi? Comme un gars qui a hâte que Windows 8 arrive, là. Hey, ça va dans tous les sens, cette chronique-là, ça n'a même pas rapport. Mais c'est quoi, Windows 8 va aider à applaudir? Non. C'est pour les gens qui... Il y a une application Applaud. OK. Bon, donc, David, présente-nous ton invité, s'il te plaît. Nous, c'est pas notre invité, c'est ton invité, hein? Ah même oui, si on l'aime c'est bien. Vrai. Ben c'est bon, en fait, j'ai un invité très, très spécial à vous présenter. Un artiste qui mérite d'être connu, qui roule sa bosse depuis un certain temps, qu'on peut même entendre à tous les midis du lundi au jeudi sur les ondes de C'est fou 89.1 FM dans le cadre de l'émission Dîner de con. Eh bien, on accueille chaleureusement M. Danny Janvier. Salut. Wow. Salut, Danny. C'est chaleureux. Danny, oui. Merci. Je suis comme ça, moi, chaleureux. J'ai chaud. Sensual. Wow. Il fait 80 degrés Celsius présentement. François, qui avait peu de graisse, a tout perdu. On voit juste le squelette de François. Mais... Ah, il est-tu petit, hein? Comme un petit doigt. Oh. Comme un petit doigt. Vous êtes charmant ce matin. On dirait un mix-up de devenu de con puis assemblage requis. C'est vraiment bien. Ouais, c'est ça. C'est... Mash-up. Mash-up, c'était à la mode, on va mettre du drum beat, drum and bass. Comme, beat. Comme tu le drop dis. Drop the beat, là. Drop the beat. C'est quoi la musique, là? Dubstep. Dubstep. Wow. Mais parlant de... est-ce que c'est une entrevue? Je ne sais pas. Moi, je suis ici invité. Ouais. Oui, c'est bien. Tu devrais venir plus souvent. Pour vrai. Pour vrai, ça. Mais oui, ça me tente. Je trouve ça le fun. Tous les matins, pour vrai. Rien pour annoncer ton dîner de con. Non, mais pour venir profiter de ça, là. Profiter de nous autres. Oh, oui, David, hein, t'aimes ça? Je suis allé, là. Il y a deux mopettes. Oui, il y a dans la convulsion, là. OK, oui. Ah oui, non. Ben bonjour, Danny. Ah, bonjour. Mais comment allez-vous? Je vais bien, moi. Oui, eh bien, en fait, pourquoi je t'interview? Parce que aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est une question? Ben non. Question numéro un. Pourquoi je t'interview? Je ne sais pas. Mon linge? Entre autres, mais surtout parce que on a un album qui sort aujourd'hui. Oui, ben à Trois-Rivières, ouais, lancement Trifluvien. Et oui, donc, c'est ton album Obom Contact, qui veut dire en fait en langage Abénaki, camp de la pointe de sable blanc. Ouais! Mais pourquoi faire un projet inspiré de la culture Abénaki? Ben, c'est juste que le nom, c'est le nom de mon village, c'est Pointe-du-Lac, finalement. Donc, c'était plus cool qu'appeler ça Pointe-du-Lac, l'album. Je trouve que ça faisait un peu plus exotique, mais en restant tout près de chez nous. Ben oui, parce qu'on sent quand même des sons qui sont assez aborigènes. C'est sûr qu'il y a le côté, oui, son électronique, les expérimentations, les sons que tu inclus également. Il y a même une fille dont on entend sa voix aussi. Mais en fait, d'où est venue l'idée? Parce que j'ai vu que les dessins, tu les avais faits en 94, si je ne me trompe pas. D'où c'est que ça vient? Est-ce que... t'as sorti tes dessins, t'es dit « Hey, wow, je veux faire un projet ». D'où c'est que c'est sorti ce projet-là cette fois-ci? Ben, l'idée, c'était avec le titre, avec Obom Contact. Et puis, tant qu'à prendre une photo, ben, de faire des nouveaux dessins, j'avais une série de dessins qui n'avaient jamais été vus, qui étaient roulés encore dans ma cave. Puis j'ai dit « Il faudrait que je fasse quelque chose avec ces dessins-là ». Fait que je les ai ressortis, je les ai photographiés, puis j'ai utilisé les photographies des dessins pour la pochette. Ben, c'est une série de peut-être 5 ou 7 dessins. C'est super beau pour vrai. Ouais, ça sincèrement, en tout cas, pour l'avoir vu, là, écoute, ça fait différent. C'est au crayon feutre. Ouais, c'est ça. Écoute, t'as pas l'impression. T'as vraiment pas l'impression. C'est vraiment très réussi. Ça accroche l'œil. Ben, merci, François. Fait plaisir. C'est pas fini. C'est cool. Et oui, on a encore une entrevue excellente. Puis je voulais savoir, parce que ce qui est bien, c'est qu'avec tes albums, t'as l'air d'avoir trouvé déjà un bon concept, c'est-à-dire de la musique électro avec des voix, des expérimentations. Puis là, on peut entendre soit des versions rallongées ou encore des versions radio de certaines de ces chansons, comme la chanson qu'on va entendre dans le bison de Higgs, qu'on va entendre tout à l'heure. Dans le chant de Higgs. Dans le chant de Higgs, oui, excuse-moi, ça va... Je pense au bison, je pense. C'est bison en plus. Bison. Là, mais c'est, t'as dit bison, ouais, mais c'est pas grave, j'aime ça la viande. C'est ça. Dans le chant de Higgs, en effet, mais en fait, comment tu réussis à te renouveler quand même d'album en album? Parce que c'est pas pareil que, par exemple, Wallace Vagina, ce qui est complètement différent. Là. Ouais, ben les, moi je trouve que les beats sont similaires. Il y a beaucoup de trucs qui sont semblables à ça. Mais c'est justement, c'est de partir avec une idée de concept. Chaque album, c'est un concept. Puis c'est comme ça qu'il se crée le reste des pièces. Comme les pièces aussi, la façon de les composer, c'est que je pars souvent avec un titre ou avec une idée. Puis c'est avec le titre puis avec l'idée que je veux amener, j'ai une image, je veux mettre en musique l'image que j'ai du titre, finalement. Eh bien ça, est-ce que, étant donné que tu es rendu à 7, 8 albums, est-ce que c'est plus facile à chaque fois ou c'est de plus en plus difficile à mesure que tu fais des albums? Ben au début, c'était de plus en plus facile, mais là, ça commence à être un peu plus dur quand même parce que j'ai quand même expérimenté, j'ai été essayer tous les sons à peu près que je voulais essayer puis mettre. Fait que là, c'est comme essayer de retrouver une nouvelle recette. Lui, c'était un peu ça, puis le défi était relevé justement en utilisant la participation d'un autre artiste avec moi. D'habitude, je le fais complètement tout seul, là. Mon album, celui-là, ben, avec la collaboration d'Ingrid Boussaroc, de la Mandragore, ben, ça donne vraiment ce que je voulais. Aller un peu plus loin, j'ai vraiment pris les mêmes pièces à peu près, pas les mêmes pièces, mais la même façon de travailler que Whale Vagina, mais en additionnant la présence d'Ingrid. Donc, une musicienne, et pas juste les voix, c'est elle qui fait plusieurs flûtes, du chromorne, elle fait des cordes médiévales, des instruments. Ouais, c'est vraiment elle qui fait ça, là. C'est pas un remix ou un échantillon. Il y a des échantillons, puis quand il y a des échantillons qui viennent d'instrumentation autre, mais elle va jouer comme avec, elle accompagne même. Tu sais, des fois, je vais donner une mélodie avec l'échantillon, mais elle va aller faire des harmoniques ou elle va aller ajouter, rallonger la mélodie. Fait que moi, mon projet, mon défi, c'était que ça paraisse pas que c'est rajouté. On dirait que pour que ça ait l'air d'être enregistré tous ensemble. Là. Puis je pense que c'est assez bien réussi à ce niveau-là. Ça faisait combien de temps depuis Wells Vagina? Ça faisait 2 ans. Donc, tu travaillais dessus depuis 2 ans, pas mal, celui-là? J'ai travaillé presque 1 an sur la composition des pièces, puis un 6 mois au mix avec Ingrid, puis un autre 4, 5, 6 mois avec plus la mise en marché, les pochettes, les demandes de subventions, etc. Fait que finalement, c'est un vrai travail de 2 ans, là, cet album-là. Et aussi, on voit que tu as eu une nomination au disque il y a à peu près 3 ans. Félicitations. Ouais, en 2009, ouais, oui. Festin élu. Ben, félicitations. En fait, est-ce que, vu qu'il y a une certaine reconnaissance de plus en plus croissante, si je peux dire ça, du milieu, est-ce que tu ressens une certaine pression, soit pour des spectacles, soit pour faire des albums, ou tu réussis quand même à rester toi-même et à dire, ben, on reste zen, je fais ce que je veux, puis je m'amuse? Ouais, le but, c'est que je fasse ce que je veux vraiment à la base. Mais s'il y a de la pression pour des spectacles, on verra. Il y en a un peu, on en fait quelques-uns. Le seul truc, ben celui-ci, on va l'envoyer, mais là, à la disque, ça va être juste l'an prochain. On est un peu en retard, parce que là, c'est là, les nominations sont sorties. Mais ça, la disque, c'est quand même assez large, les dates, là. Je veux dire, c'est quasiment sur 2 ans que tu peux présenter un album, là, pour chaque année, là, mais en tout cas. Donc, on va l'envoyer là, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Mais ils ont enlevé la catégorie électronique. C'est pas revenu? Ah ouais? Peut-être elle reviendra. Ils n'ont pas dit que c'était banni, mais ils l'avaient enlevé. Est-ce qu'ils ont fusionné avec d'autres? C'est parce que t'as pas sorti d'album sur ça. Ah, peut-être. Moi, j'ai été la dernière année qu'il y avait la catégorie. Ils se sont dit, on va finir sur la meilleure note possible. Ouais, c'est ça. C'est le numéro qui a gagné. Mais c'était voulu comme un compliment. Je le sais, je le sais. Tu comprends. Ouais, mais tu me connais aussi. Petite anecdote concernant la catégorie, avant de continuer l'entrevue, oui? La catégorie électronique, c'est que dans le temps qu'il avait mis électronique, il avait mis en 99 électronique et hip-hop. Donc, Carole Laure, qui avait sorti un album électronique, était en compétition contre Domatic, Carole Laure gagne contre Domatic et Domatic n'était pas content parce qu'il se demandait pourquoi Carole Laure était dans la même catégorie qu'Hip-Hop alors qu'elle ne devait pas se retrouver là. Mais c'est, ça a toujours été compliqué, les catégories. L'électronique, c'est difficile, oui, parce qu'il y a de l'électro avec de la voix, il y a de l'électro-instrumental. Souvent, Star l'électronique va être considérée comme instrumentale, mais comme moi, j'ai de la voix pareil, mais pas chantée, tu le mets où? Puis en plus, tu as des samples qui se parlent. Qui parle dedans aussi. Fait que c'est un peu une catégorie à la disque qui est compliquée, je pense. Puis il n'y a pas un grand marché non plus. Il n'y a pas de, beaucoup d'artistes en musique électronique au Québec. Il y a beaucoup de DJ, là, mais des gens qui produisent réellement, là, pas juste des taponneux. Des créateurs comme ouais, toi. Oui, c'est ça. Ben, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je trouve. Moi, j'en connais pas beaucoup, puis je suis quand même dans le milieu. L'autre fois, il y a des gens qui me demandaient combien il y a de monde qui font de la musique électronique sérieusement au Québec. Ben, moi, sérieusement, j'en connais peut-être une dizaine. Ah ouais, pas plus que ça. Mais il y en a plein qui vont dire, j'en fais, j'en connais. Je connais plein d'amis qui en font, mais ils en font. Ils sortent pas vraiment de CD. Ils sortent pas d'album, ils sortent une toune sur SoundCloud, ils sortent une toune sur leur MySpace. Mais je parle de vraiment produire, là. Un album complet de. Je connais Maxime Robin, puis quelques-uns d'autres, tu sais, Akido. Une couple de trucs du genre. Il y en a plus à Montréal, mais encore là, c'est, ça reste très, très minimal. Son pique-nique électronique, Mutech, puis ils restent dans leur petite niche. Puis on dirait qu'ils n'essayent pas de produire. Tu sais, nous, mais mettons, je parle de Maxime Robin ou moi, mais on fait comme les artistes de musique hip-hop ou de rock. Ou de, on sort des albums souvent, puis on essaie d'être dedans. Rester dans la face du monde. Tandis que prendre un logiciel, tout le monde a un ordi chez eux, tout le monde a essayé de taponner sur un logiciel de musique, là, les enfants, ils en font. Tu sais, fait qu'il y en a des milliers qui en font, mais vraiment, il n'y en a pas bien. Ben, des sérieux, là, ceux qui ont l'ambition, puis tu sais. Qui veulent, tu sais, pas juste apprendre et dire, hey, j'ai fait une toune. C'est pas pareil. En tout cas, c'est ça. Mais justement, d'où est-ce que c'est venu ta passion de créer de la musique électronique? Comment c'est arrivé, en fait, toi et ton amour pour la musique électronique? Ben, c'est probablement mon amour pour la création, tu viens de le dire. Parce que j'aime autant faire des films, de la musique, des photos, n'importe quoi. Mais c'est parce que j'étais dans des bands, puis c'est toujours compliqué de faire des pratiques avec des bands. Puis aussi, c'est compliqué d'avoir tout le même point de vue aussi. On ne veut pas tous se rendre à la même place. Il y en a qui veulent juste faire de la musique, d'autres qui veulent se rendre à l'autre bout du monde, d'autres qui ont des visées plus pop, d'autres qui ont des visées plus underground. Ben avec la musique électro, ben j'étais tout seul avec mon ordi. Puis à l'époque, j'ai commencé aussi, mon garçon venait au monde, fait que j'avais pas le temps d'être dans des bands. Fait que je me suis dit, ben j'ai mon band in the box, là, j'ai mon band dans ma boîte ici, puis je peux faire vraiment ce que je veux. Puis aller au bout de tout, parce que justement, je peux faire mes pochettes, je peux faire des vidéos, puis je peux m'amuser finalement. Donc, le côté liberté que tu as, le fait d'être quand même, je dirais pas tout à fait indépendant parce qu'il y a quand même une compagnie de disques qui tient aussi. Mais ils m'ont jamais. Moi, j'ai fait tout ce que je veux avec Fidelio. C'est ce qui est c'est pour ça que j'ai embarqué avec eux autres. Ils m'ont vraiment laissé carte blanche, autant le concept de l'album, les choix des tunes. Ils n'ont jamais dit une tune ou une autre. Ils n'ont même pas écouté les tunes pour savoir. La pochette. Tout, il me faisait entièrement confiance. À chaque fois que je lui parlais du projet, il était là. Ah ouais, c'est cool, c'est cool. Puis quand je lui disais, j'ai des dessins qui font un peu amérindien. Ah ouais, c'est cool. T'sais, tout ce que je lui apportais, il trippait. Fait que c'est pour ça un peu que je travaille avec eux. Puis c'est pour ça que ça a été si long de me trouver aussi un label parce que je voulais pas me faire dire quoi faire. Là. J'ai déjà travaillé avec des amis qui déjà, ils me disaient, ah, mais faudrait que tes tunes soient plus courtes, faudrait que ce soit plus lent, faudrait que ça soit. J'ai dit, baguette. Passe-toi, je vais faire mes trucs, je vais faire ma musique. T'sais. Donc, c'est vraiment pas un truc commercial pour dire, hey, je vais me servir de cet album-là pour me faire connaître et me mettre sur la map. Mais parlant justement de faire connaître. Ben, j'aimerais ça, je suis pas contre là, le fait. Je veux juste pas faire la pute pour le faire. Ouais. Mm-hmm. Non, ben c'est bon aussi parce qu'en même temps, oui, ça va être plus long, mais en même temps, tu vas avoir la reconnaissance. On va dire, hey, c'est un artiste respectable, puis ça va faire plus d'albums aussi à écouter, fait que les gens pourront pas cette année de toi. Ben, c'est un peu ça aussi, tu sais, le contraire du feu de paille, là, du One Hit Wonder. J'aime autant mieux que ça soit bien long, puis de faire ma place tranquillement. Ben oui, comme un artiste que Mathieu adore, Lisa Leblanc, elle a fait un parcours dur avant d'être connue. Pas là-dessus, pas là-dessus. Ben, en fait, c'est un bon point, juste pour terminer avec Fidelio. En fait, c'est une nouveauté de quoi cette année? Ben, en fait, sur cet album-là. Oui, oui. Ça, c'est quoi? C'est une maison de disques qui se trouve à Montréal? Oui, Fidelio, c'est un label qui se spécialise à la base dans la musique de haute fidélité. Okay. Surtout, musique world beat, jazz, blues, tout ce qui est vraiment musicien. Même, mettons, je sais pas, ton frère qui joue du piano, ça pourrait être un album juste de lui qui joue du piano, ou seulement un violoncelliste ou une fille qui joue de l'orgue. Donc, c'est vraiment un label pour les musiciens en tant que tels, puis pour les amateurs de musique de haute fidélité. Puis je me retrouve à être le premier album électronique, en musique électronique avec eux. Là. Haute fidélité, ça veut dire la qualité sonore. Ben, c'est ça, j'imagine. Ouais, exact. Même moi, je trouve le CD sonne moyen comparé à ce que j'ai entendu en version 24 bits, 96 000 Hz. C'est hallucinant, là, c'est crémeux, ça, c'est pas la même chose. Là. Mais c'est sûr qu'il faut que tu aies le système de son qui va avec. C'est ça, ouais, plusieurs milliers de dollars. Tu sais, si t'écoutes dans ton ordi, tu verras pas une différence, là, que t'écoutes à peu près le MP3 ou le CD ou la version 24 bits. Mais c'est ça, c'est un vrai bon système de son. Tu vas voir la différence vraiment. Lui, le CD est un petit peu plus high, je trouve. Tandis que en 24 bits, c'est vraiment le rond, c'est crémeux. Il sonne super bien. C'est juste là, ce que je vous parle, c'est 1% de la population pourrait s'en rendre compte. Mais comment est-ce qu'on peut avoir ces versions 24 bits-là? Est-ce que c'est possible? Comment oui, là, ils sont. Je sais pas s'ils sont en ligne. Ben, ils sont supposés être en ligne sur HD Track. OK. Puis sur certains sites de vente en ligne. De connaisseurs de musique. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est ça, les au lieu de se vendre à 99 cents, ils sont à 3 piastres, je pense. La pièce, oui. Mais elle pèse aussi, au lieu de peser 5, 10 mègres, elle pèse 200-300 mègres par ça, pièce. Grave pas ça sur un CD à brève. Non, mettons. C'est vraiment fait pour... Wow. Moi, je vais sortir aussi sur carte flash. OK. Carte flash, c'est comme une clé USB, ouais, finalement, genre. Avec la pochette dessus. Cool. Vraiment cute, tout en alu, là, c'est vraiment beau. Il va être disponible aussi en carte flash, puis... C'est vrai, sûrement ça s'en vient quand? Ben, ça va être... Je pense que sur Internet, ça va être déjà disponible. Okay. Ah oui, sur le c'est une bonne site, ouais. Ça sur le site de la compagnie? Ouais, ben avec Fidelio, je pourrais avoir plus de détails, mais là, je sais pas trop. Hein. Il reste quelques trucs. C'est comme le vinyle aussi, on va sûrement avoir un vinyle, c'est presque sûr à 100%, mais... C'est sûr? Je croise les doigts, là, d'un coup, qui arrive, on touche du bois. Ça, tu vas annoncer ça sur dannyjanvier.com, de toute façon. Ouais, puis je vais vous le dire. Okay. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir tes contacts à la radio. Contacts à la radio. Check le name dropper. Je connais Mathieu Plante. Je connais Mathieu Plante, François-Olivier Marchand, puis oui, David Ferron, il est encore bonjour! Ouais! C'est pas grave, je suis qu'un pauvre chroniqueur. Bon. Mal aimé. Oui! En tout cas, on rit de toi un peu des fois, mais tu sais, c'est réciproque, je pense. On rit de ceux qu'on aime. Et voilà. On taquine ceux qu'on aime. C'est quand vous me demandez un mariage, coudon. Oh! Il faudrait croire à ça. Faudrait croire au mariage. C'est ça? Institution. Oui! Wow! On déraille sur les commentaires politiques. Oui. On se créerait au dîner de con. Ben, parlant justement d'institution, quand tu as sorti ton album à la fin des années 90, oui, ton premier album. OK, oui. Oui, il était sorti en 98, si je ne me trompe pas, 98-99. Eh bien, est-ce que depuis ce temps-là, la musique électronique, selon toi, comment qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a évolué d'une ligne droite ou ça s'est allé dans toutes les directions? Ben, pas toutes les directions. Ben, mais... un peu des deux, je trouve. T'es allé vraiment dans toutes les directions, sauf qu'elle s'est, à mon avis, trop popularisée, mais pas de la façon qu'elle vienne populaire pour tout le monde, mais plein de monde se sont mis à... En tout cas, des gros Américains, là, des quétaines, qu'on pourrait dire, ben ils se sont mis à vraiment faire tout ce qui est musique électronique. Puis ceux qui faisaient vraiment de la bonne musique électronique se sont mis à mettre de la voix dedans pour que ça ait l'air des tunes commerciales. Moi, je trouve que ça s'est un peu perdu en voulant faire trop d'hybrides. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire, justement, des hybrides, mais en restant dans l'esprit de la musique électronique. Moi, je trouve le meilleur, l'âge d'or de la musique électronique, là, c'est entre 93 et 98, quasiment, c'est les meilleures bands qu'il y a eu, les meilleurs groupes qu'il y a eu. Puis pourtant, les ordinateurs n'étaient pas performants comme on a aujourd'hui. Mais les sons, l'originalité, c'était qu'on n'essayait pas de faire une musique pop avec des instruments électroniques. Aujourd'hui, on essaie de faire de la musique pop avec des instruments électroniques. On peut le faire, parce qu'on peut tout faire, je veux dire, mais j'aime bien quand ça sonne encore musique électronique. J'aime ça entendre des sons, des arpégiateurs, puis des petits sons qui rebondissent, puis des petits sons un peu chiptune. Jeux vidéo. Pour vrai, j'aime cet hybride-là, le mix avec les sons organiques, mais avec faut que ça sonne encore électronique. Sinon, je trouve que ça devient, puis en ce moment, on le voit, ça devient comme dans les années 80, là. C'est bien bon aujourd'hui quand on écoute ça, mais à l'époque, on trouvait ça atroce, toute la musique des années 80. C'était trop cheesy. Ben oui. Tout sonnait midi, tout sonnait plastique, tout sonnait facile. C'était bon du Depeche Mode, mais ça sonnait c'est correct, c'est bon. Mais sauf que ça, je trouve que c'est le retour du balancier. Maintenant, on s'inspire des années 80. Non, on essaie de faire de la musique pop avec des sons... Moi, j'aime que la musique électronique soit de l'électronique. Tu sais, si on fait du heavy metal, je sais pas, je connais pas le genre, mais du metal extrême, ben, t'essayes pas de faire chanter Jay-Z dedans ou... C'est ça, t'as pas de featuring de Rihanna. Lady Gaga. Puis elle, yeah, si t'écoutes ses pièces, Lady Gaga, là, si t'écoutes le fond, là, c'est de la grosse électronique qui rentre, c'est bon, mais tu sais, elle parle un peu trop, tu sais. Oui, mais ça, quand même, c'est une musicienne aussi. Oui, mais c'est une chanteuse de jazz. Tout le monde dit, c'est la nouvelle Diana Krall, puis... Ouais, Ouais, mais c'est pour ça que je dis, j'ai du respect quand même pour ces artistes-là. C'est pas mon genre, mais je trouve juste plate que l'électronique soit rendue là aussi, tu sais. Mais bon, ça fait que ça le démocratise aussi. Mm-hmm. T'sais, les gens sont rendus habitués d'entendre de l'électronique. C'est plus bizarre. Non, c'est ça. C'est quasiment nécessaire. Ouais, ouais. T'sais, d'avoir la petite pause dubstep, comme on disait. Oui, exact. Ce qui est dans l'électronique, je le maintenant, il y en a dans tout là, aussi. Là. Mmh. Je veux dire, dans toutes les tunes nouvelles, ben, là, tu vas avoir un petit son dubstep. Tu vas avoir un petit son. C'est comme le hip-hop, à un moment donné, c'était vraiment underground, le hip-hop, au début. Tu as un rappeur dans chaque pièce. Là, star, t'as un rap. Exact. Ou puis dans chaque pièce électronique, même moi, je m'étais fait dire à bande à part, c'est bon, mais tu devrais prendre des featuring avec des rappers. À bande à part, ils tombent dessus. Oui, exact. Ah ouais. Moi, je pensais qu'il était original, tu sais, mais je me suis dit, ben, c'est parce que tout le monde fait de l'électronique, fait ça en ce moment. Bizarre. Ils se prennent un rapper, puis là, ils font une collabo. Puis là, ben, moi, je trouve que c'est un peu être opportuniste. C'est pas mon but dans la vie. Et mon but, c'est que ça marche, mes trucs, mais par rapport à ce que j'aime. Puis je me dis, si moi, j'aime, ben, les autres peuvent aimer aussi. Mmh. Ben, justement, question peut-être un petit peu dure. Le fait de vouloir aussi être, si je peux dire ça, 100% bio et 100% pur, est-ce que ça t'a permis, au contraire, d'ouvrir des portes que sinon, si t'aurais suivi une démarche plus commerciale, que ça t'aurait pas permis d'ouvrir ici? Oui, quel genre de porte ça t'a permis de t'ouvrir? Ben, c'est dans les festivals, justement, qui sont assez hippies un peu. Puis tout ça, les festivals vraiment de musique électronique au Québec ou ailleurs. Au Canada, je parle parce que je n'ai pas fait ailleurs là, en ce moment. Mais eux, c'est des gens qui sont très spirit, très purs. Ils veulent des trucs planants. Ils veulent pas se faire raconter du commercial. Ils veulent, tu pourrais pas arriver avec la grosse chanteuse, avec un mix avec Lady Gaga dedans ou avec un rapper. Tu pourrais peut-être le faire en journée, mais pas en pleine soirée. Là, tu ferais capoter du monde. T'arrives pas avec un cover de David Guetta, là. Non. Même si son beat est bon, tu sais. Ouais, ça groove ses trucs, mais bon. C'est des fois juste les paroles qui se répètent 17 000 fois, la même phrase, c'est un peu long. Mais ça, parlant justement de beat qui va vous faire bouger de la tête, on va écouter dans le chant de Higgs, mais avant, paraît que tu as un beau spectacle à nous présenter ce soir. Pas spectacle, ça va être plus on s'amuse ensemble, venez prendre un petit verre avec moi, jaser et écouter l'album à l'embuscade en 5 à 7 ce soir sur la rue Badeau. Puis on va peut-être écouter le vidéo aussi là-bas si on se trouve une façon de le faire simplement. Vidéo de cette pièce-là qu'on va entendre. Ouais, exact. En fait, l'album va être disponible. Il est disponible déjà partout. Là-bas, il est disponible déjà partout. Archambault, Renaud-Bré, sur Internet. iTunes. iTunes, pas encore. C'est parce que justement, vu qu'ils n'ont pas la haute fidélité, on ne le vend pas sur iTunes. On attend d'avoir la bonne qualité. Ouais, mais on attend qu'iTunes se décide à penser aux gens qui aiment la qualité de son. Là. Parce que ce qui est bizarre sur iTunes, parenthèse, désolé David, sur iTunes Match. Si t'as de la musique sur ta banque, tu peux la faire synchroniser avec le serveur ou en tout cas, il détecte c'est quoi tes chansons. Puis après ça, tu peux retélécharger les versions AAC à genre 256 kbps. Okay. S'ils pouvaient offrir directement ces 256 kbps-là à la vente, ça aiderait les artistes. Ben oui, ils sont capables de le faire. Ils sont capables, ils ont sur le système, serveur. Ils le font, fonctionne. Mais ils vont le faire parce qu'en ce moment, ça se parle beaucoup. Puis il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont un peu tannés justement d'avoir de la médiocre qualité. Parce que tu payes quand même pour ça. Là. Tu payes pour ça. Puis je veux dire, comme je te dis, le son, il y a beaucoup de maniaques, plus qu'on pense, qui aiment quand ça sonne bien, là, qui se contentent pas juste des speakers d'ordi. Puis pour l'instant, ils sont tous pas sur iTunes, ces gens-là. Non, exact. Il faudrait, si tu veux les avoir comme gros marché quand même. Tu sais, puis tu peux l'avoir à 99 cents, mais tu peux l'avoir à 3 piastres. Ils sont prêts à payer cher si on regarde le système de son. Fait qu'ils sont prêts à payer pour les MP3 aussi. C'est exactement ça. Oui, mais pas vrai. Mais quand on va entendre la bonne musique ou de la musique qui est nouvelle ou originale comme celle de Danny, ben, ça vaut vraiment la peine d'être dans l'univers parce que c'est un style qui est, qui va faire bouger, mais qui est planant aussi. Ouais. Donc, c'est un univers qui est... Est-ce que je peux dire le mot immersif? Oui, tout à fait. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression d'être immergé dans un autre univers, mais d'ailleurs, on va écouter justement dans le chant de Higgs. En tout cas, Danny, un très gros merci. Puis si jamais les gens peuvent pas t'attendre jusqu'à 5 heures à soir, ben ils peuvent t'écouter à midi. Tout à fait. Puis ça, il faudrait qu'ils le fassent de toute façon, hein, parce qu'à un moment donné. Hein. Merci. Hein, merci, Danny. Merci, Danny. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Ouais. Ouais, cool. Ouais. décomposé ce poème à la clinique juste après ma quatrième dépression nerveuse. 1, 2, 3, 4, qui a tué Charles Barker? Toi, espèce de salaud. La femme est la plus aimable et la plus brillante grâce à lui. Bonjour. C'était dans le chant de Higgs de la part de Danny Janvier sur l'album projet, en fait son projet Bio Bazar, et on peut l'attendre sur l'album qui vient tout juste de sortir aujourd'hui. Quel est le nom de ton album? Hobom Contact. Wow! On rappelle le spectacle, ben on fait pas le spectacle, le 5 à 7 ce soir à l'Embuscade pour écouter l'album Hobom Contact en compagnie de Danny Janvier. Boire un petit verre. Ou deux ou trois. Ouais, on va essayer. 73. DannyJanvier.com est ton site web. Oui. Aussi biobazar.tv. Oui, biobazar.ca qui va à la même place. Le YouTube.com/biobazar. Mais presque tout, là, /biobazar. Ouais. Je l'ai, le Twitter, le Facebook, ouais, le YouTube, le MySpace.com. Hey, MySpace est de retour, là. Tout le monde dit ça, là. Bon, qu'est-ce que ça va changer encore? Savais-tu, matin, il y avait une grosse nouvelle là-dessus. C'est Justin Timberlake, qui est le nouveau porte-parole et créateur design de je sais pas quoi de MySpace. Ah, et il paraît que c'est vraiment beau. Ça va se promener de gauche à droite au lieu de haut en bas. Ça va faire comme métro de Windows 8. Ça va être un peu Reddit, un peu dans le look de Reddit. J'aime ça Reddit. J'adore Reddit, en fait. C'est un peu dans le look de Reddit. Moi, j'avais délaissé MySpace, mais bon, avec mon album, je vais commencer à aller repimper un peu ma page s'il y a un retour. Tu sais, il y a des jeunes qui n'ont pas connu MySpace que peut-être ils vont accrocher. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, là. C'est comme nouveau pour eux autres. Pour vrai, c'est MySpace. Pas des jokes, parce qu'ils vont dire, hey, c'est un genre de Facebook. Mais... En tout cas, je sais pas si c'est l'interface là qui ont changé, mais je trouve ça beau comme c'est là. Je pense qu'ils ont hâte de garder l'ancien logo. Donc, okay. Je l'aimais bien, leur nouveau logo. Même si là, c'est quelque chose à la page d'accueil, moins ouais, dans les cas. Mais en tout cas, il paraît que c'est de retour. Mais en tout cas, on essaie chez MySpace. Superbe. MySpace is back. Mais non, mais c'était pour... je parlais juste que tous les cossins du genre réseaux sociaux, ouais, etc. / Biobazar, ou même Google, marqué Biobazar, il y a juste une compagnie qui fait de la bouffe bio, là, okay, en Europe. Qui bio ont... bizarre. Ben, Bio Bazar, des fois, ils mettent deux A dans le Z-A-A-R. OK, OK. Mais ils aimeraient ça avoir mon nom, je pense. C'est sur Google.com, je pense, c'est ça? Google.com? Ben, sur Google, marqué Bio Bazar, vous allez trouver tout. Parfait. Merci, Danny Janvier. Merci à vous autres, vous êtes bien fins. Merci à David Ferron aussi. Ben, ça me fait plaisir. Oui. Et, merci. Bonjour. Oui, je cherche un livre sur la politique. Paula. Merci. Mais je cherche aussi des livres sur la culture, la musique, la technologie, les connaissances générales, les femmes, la vie étudiante et les sports aussi. Madame, c'est parce qu'on est dans un dépanneur ici, pas dans Assemblage requis. Écoutez, Assemblage requis. On a plus d'informations pertinentes qu'un dépanneur, mais juste un petit peu moins qu'une bibliothèque. Assemblage requis, du lundi au jeudi, de 7h à 9h, ah, c'est fou. On a l'almanach du peuple, si vous voulez. Il y a tout là-dedans.